Chapitre 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur un arbre quelconque. Et je vis un autre ange qui montait de l'est et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » On m'indiqua alors le nombre de ceux qui furent marqués au front du sceau de Dieu. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. 12 000 membres de la tribu de Juda furent marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Aser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Après cela, je regardai encore, et je vis une foule immense. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Notre salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône, ainsi que de l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent alors devant le trône, le visage contre terre, et adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. » L'un des anciens me demanda « Qui sont ces gens habillés de robes blanches et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Et il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et servent Dieu nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les protégera par sa présence. Ils n'auront plus jamais faim ni soif, ni le soleil, ni aucune chaleur ardente ne les brûleront plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »